c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. De plus en plus de femmes et d'hommes choisissent de vivre en ville. En 2030, 2/3 des habitants de la planète seront des citadins, mais ils ne vivront pas pour autant tous de la même manière. Il existe des villes très diverses à la surface du globe. La journaliste Alexandra Alévèque a décidé d'aller explorer les plus hors normes et les plus extrêmes d'entre elles. Pour la série documentaire Drôle de ville pour une rencontre, dont la deuxième saison arrive sur France 5, elle a partagé pendant 15 jours le quotidien des habitants de villes hors du commun. De la capitale des Philippines, Manille, la ville la plus densément peuplée du monde, à la cité lacustre de Ganvier, au Bénin, en passant par Las Vegas, la ville de tous les excès, ou encore Aris, au Danemark, où il fait particulièrement bon vivre. Cet après-midi, Alexandra Alévèque passe par notre bivouac pour nous raconter ses surprenantes aventures citadines. Et en fin d'émission, Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide du Routard, nous emmènera faire un tour dans le désert de Mauritanie. Voilà pour les destinations de la deuxième partie de notre bivouac. Est-ce que ce serait pas là? Hello! Bonjour! Hello! Are you? Ah, c'est là! C'est là! Welcome. Are you? C'est vous, Rudy? Are you Rudy? Yes! Hello! Je suis Alex! Alex! Hello! Hello! Are you? Et vous, vous êtes Whirly? Whirly! Yes! Whirly? Bienvenue dans notre maison, Alexandra! Alors, montrez-moi! Montrez-moi ça! Je découvre une maison qui ne fait pas plus de 12 mètres carrés au sol. C'est petit, hein? It's small! It's small, wow. It's small house. It's... Bah oui, c'est small. Petit. Nous arrivons à Manille. L'épisode sera diffusé mercredi 7 août sur France 5 à 20h50. Le tournage à Manille a l'air d'avoir été particulièrement éprouvant pour vous, Alexandra Alévèque. Il l'a été, oui, il l'a été. Enfin, malheureusement, oui, il l'a été parce que c'est une ville qui est très compliquée. Avant de partir, on se disait, mais filmer la densité, à quoi ça correspond? On va filmer des immeubles, on va voir beaucoup de monde, on imagine la foule, on imagine que ça. En fait, la densité, ça induit aussi la pollution, les odeurs et effectivement la foule, donc le trafic, donc les embouteillages, donc de la fatigue, etc. Mais le bruit également. Le bruit est omniprésent. En fait, à Manille, il n'y a pas de moment de calme. Ou alors il faudrait se calfeutrer vraiment dans un coffre-fort. Il y a vraiment du bruit en permanence. Et puis encore une fois, des gaz d'échappement, les odeurs de poubelles. Enfin voilà. Alors après ça, il y a des quartiers beaucoup plus huppés dans lesquels ça sent bon la rose, mais ouais. C'est vraiment pas partout le cas. Parce que vous aviez choisi donc de passer 15 jours dans cette petite maison, dans un bidonville de Manille, avec une famille charmante, mais qui est vraiment adorable et qui accepte de vivre dans un tout petit endroit et qui en plus accepte de vous recevoir et de vous laisser le plus grand lit pour que vous dormiez, mais vous êtes quand même à 5 ou 6. Hein. D'ailleurs, je me suis demandé où dormait le caméraman pendant la nuit. Alors, c'est toujours le cas dans toutes les villes où nous allons. Le réalisateur dort à l'hôtel, le chanceux. Oui, c'est ça. Et moi, je reste les deux semaines avec la famille qui m'accueille, quelle que soit la ville dans laquelle on se rend. Et effectivement, chez Rudy et Whirly, ils vivent dans un quartier qui s'appelle Paragnaquet, qui est un des très nombreux quartiers de Manille, dans un bidonville. Et donc, la famille vit dans une maison, vivait, parce que depuis, ils ont déménagé, parce que Rudy travaille beaucoup, mais ils vivaient encore à l'époque dans une maison de 12 mètres carrés, deux étages de 6 mètres carrés, très exactement. Et bah voilà, les 6 mètres carrés du premier étage, c'était une chambre que je partageais avec 3, 4, 5, 6, 7 personnes parfois, selon les dîners, l'arrivage des cousins, ouais. Etc. Ouais. Ouais, parce qu'ensuite, ils sont en plus très accueillants, très ouais, conviviaux, très, donc il y a beaucoup de passages. Manille, c'est la ville la plus densément peuplée du monde. Hein. Ouais. C'est pas pour rien que vous avez décidé d'expérimenter la promiscuité et la densité dans cette ville. 43 000 habitants au kilomètre carré. Deux fois plus qu'à Paris. Ouais, c'est deux fois plus qu'à Paris. 12 millions de personnes qui vivent donc très serrées dans cet endroit. C'était un peu l'idée de cette série qui a un peu évolué, mais au début, c'était vraiment notamment les villes de l'extrême. Alors, d'ailleurs, la précédente saison, vous étiez allé à La Paz, la ville la plus haute. Vous étiez allé à Yakoutsk, la ville la plus froide. À chaque fois, c'était un peu un défi. Oui. C'est presque des défis physiques même. Alors, évidemment, on pense pas à ça quand on crée une collection et qu'on accepte de l'incarner. Mais oui, ça passe beaucoup par le physique. Mais c'est souvent le cas quand on part en tournage, en immersion comme ça. Le corps participe beaucoup. L'esprit est là, mais le corps participe beaucoup. Après, voilà, moi, je reste 2 semaines dans ces villes qui sont parfois très compliquées quand on y vit. Voilà, 2 semaines, on peut faire un petit effort pour essayer de comprendre comment les gens vivent. Et l'immersion, elle a ça de formidable, c'est que quand on ressent physiquement les choses, on peut beaucoup plus les expliquer et donc les transmettre au public. Alors, il y a à Manille ces embouteillages qui sont très présents. D'ailleurs, le père de famille qui vous héberge a une sorte de petite camionnette dans laquelle il transporte... Jeepney, ouais, c'est ça. C'est un bus, un transport en commun, dans lequel il a installé un karaoké, parce que les gens passent entre 1 heure et 4 heures dans les transports. Et donc, comme les Philippins adorent le karaoké, il a eu une idée assez géniale. Hein. Pour l'instant, il est, je crois, un des seuls à le faire à Manille. Ils devraient tous le faire. Parce que du coup, il y a un karaoké en permanence dans le bus. Et les gens chantent et c'est la fête dans le bus, ouais, c'est super. Ça met de l'ambiance. Alors l'aspect embouteillage n'est qu'un des nombreux aspects de la densité. Pour l'école, c'est aussi compliqué d'accueillir les nombreux enfants de la ville. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais vous demander, je vois des enfants qui rentrent dans l'école et d'autres qui en sortent, et il est midi. Parce que nous avons trop d'écoliers, alors on a dû s'organiser et faire des roulements. Combien sont-ils ? 4000 élèves dans cette petite école. Oui, il y en a 2000 le matin et 2000 l'après-midi. C'est pour ça qu'on s'est organisé en équipe. Je pourrais rentrer pour visiter votre école ? Ce sont des CM1. Bonjour tout le monde. Good afternoon. Combien d'élèves avez-vous ? J'en ai 53, mais aujourd'hui, ils ne sont que 50, car il y a 3 absents. 53, c'est énorme ! C'est pas trop difficile d'enseigner avec autant d'enfants ? Si, bien sûr que c'est compliqué. Quand je suis en face de ma classe, je ne peux pas voir tout le monde en même temps. Il y a ceux qui bavardent, ceux qui sont dissipés. Alors résultat, la leçon est souvent interrompue. C'est pour ça que la discipline est primordiale. Car sans cela, ils ne pourraient pas apprendre correctement. Une école de plusieurs milliers d'élèves où on fait les 2-8, hein, on l'a compris. Des élèves le matin, d'autres l'après-midi. L'école vous intéresse souvent. Hein. Souvent, vous allez voir un peu comment ça se passe du côté des écoles. Ouais, parce que c'est assez logiquement, tout commence par là. C'est-à-dire que l'éducation qu'on donne dans un pays ou dans une ville dira beaucoup des futurs adultes que cette société va créer. Et puis là, effectivement, c'était quand même... En fait, on n'avait pas prévu d'aller dans une école à Manille. Ouais. Et puis, il y avait un petit neveu chez Rudy et Wurly, chez qui j'habitais. Et je voyais ce gosse tous les matins qui était avec nous dans la maison. Et je le voyais partir avec son petit uniforme uniquement l'après-midi. Et donc, je lui ai posé la question. Et c'est lui qui m'a dit, mais non, en fait, je peux aller que l'après-midi parce que c'est d'autres copains qui vont le matin, parce qu'il n'y a pas assez de place. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible, faut qu'on aille voir cette école. Vous rendez compte qu'ils font les postes comme à l'usine. Ouais. Alors, vous allez aussi vous rendre... Il y a quelque chose d'encore plus édifiant que cette école où on fait des postes comme à l'usine. C'est la maternité de la ville. Alors là, ils appellent carrément ça la fabrique à bébés. Ouais. Alors, on trouve le terme un petit peu... pas très heureux. Mais quand on voit l'endroit... Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Décrivez un peu cette maternité que vous avez visitée. Bah, c'est une maternité qui est au sein d'un très très grand hôpital, qui est vraiment dans le cœur de Manille. Et on est rentré dans une salle, on a été accueilli par une aide-soignante, et on rentre dans une pièce de, alors je voudrais pas me tromper, de, je dirais 200 mètres carrés à peu près, vous qui avez vu les images, dans laquelle il y a plus de 100 mamans. Alors on a des lits qui sont côte à côte, qui sont collés, et donc on a des trèfles de 4 mamans avec leurs 4 bébés qui sont collés. On connaît les maternités chez nous au maximum, les mamans sont deux par chambre, et puis on emmène les bébés dans les petites pouponnières pour que les mamans puissent dormir tranquilles éventuellement. Là non, on a 100 mamans dans une même pièce, une sorte de avec dortoir. Leurs 100 bébés. C'est un gigantesque, c'est une maternité dortoir, et ce qui nous a éberlués quand on est rentré dans cette pièce, d'abord c'est de voir autant de bébés, c'est entre très mignon et totalement horrifiant. Mmh. Mais surtout ce qui est dingue, c'est qu'il n'y avait pas un bruit. C'est vrai que c'est relativement calme par rapport au nombre de gens qui sont dans cet endroit. Ouais, c'est-à-dire que il y a une résignation de la part des mamans, mais on a la sensation qu'il y a une résignation de la part de ces nouveau-nés. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit dans lequel il n'y a pas assez de place, donc on sait déjà, alors qu'on a quelques heures, qu'il ne faudra pas faire trop de bruit, quoi. Et alors, en plus, on vous dit, cerise sur le gâteau, on vous dit, là vous êtes en basse saison, parce qu'il y a des saisons pour les bébés, apparemment. En fonction pendant l'hiver, éventuellement, on imagine que les gens se tiennent chaud, les couples se tiennent chaud, et donc il y a une haute saison 9 mois après. Effectivement, on était en basse saison, c'est-à-dire que les aides-soignantes nous disaient, non mais là, c'est rien. Mais c'est rien, c'est totalement hallucinant de voir tous ces bébés ensemble. Alors dans la ville, même le cimetière a été investi. Vous avez rencontré cette femme qui tient une petite épicerie construite dans le caveau familial. Pourquoi vous cuisinez dans un cimetière ? Parce qu'il y a plein de gens qui vivent ici, alors autant en profiter. J'ai monté ce petit business pour gagner de l'argent. Vous travaillez ici, mais où est-ce que vous vivez ? Juste en face, ici. Ici ? Mais c'est une sépulture. Vous me montrez ? Là, c'est ma petite épicerie. Ah, tu m'as fait une sacrée surprise, Rudy, hein ? Une épicerie dans un mausolée. Oui. Et là, je vous présente mon père. Votre papa est là. Oui. Et il y a aussi mon frère, ma grand-mère, mes oncles et mon fils. Et pourquoi vous avez décidé de vivre ici ? Parce que je suis pauvre et je n'ai pas les moyens d'acheter une maison en ville. Alors, je me suis installée ici. Et puis, comme ça, je vois mon père tous les jours. Je peux visiter ? Ça a l'air grand, hein ? Ici, c'est la chambre où dorment ma fille, mais non, mais y a carrément la chambre. Son mari et leur bébé. Alexandra Alévèque, ça n'est pas une marginale qui a installé son épicerie et sa maison. Alors on l'a compris, quand elle dit « mon père est là », son père est enterré hein, dans oui, ce... Oui, c'est d'une tombe qu'elle parle. Ouais. C'est la tombe. Ça n'est pas une marginale hein, qui est toute seule dans ce cimetière pour avoir de la place. Le cimetière est devenu un quartier de la ville. Ouais. Chaque tombe est habitée. Oui, ouais, ouais, c'est-à-dire qu'aux Philippines, on a donc les gens sont très catholiques. À 95%, les gens sont catholiques. Donc il y a une réelle importance. On s'occupe des morts. Donc... contrairement à chez nous, on a plutôt une tombe enterrée, un cercueil. Ils fabriquent beaucoup de mausolées, mais qui sont presque de mini-maisons. C'est-à-dire qu'Elisabeth, qu'on vient d'entendre dans l'extrait, elle vit dans un mausolée, donc dans lequel sont, effectivement, on a la tombe du papa, le frère, je ne sais plus exactement. C'est plus grand que chez Rudy. C'est-à-dire que c'est plus grand que chez l'autre qui m'a accueillie pendant les 2 semaines. Mais elle vit au milieu de ses morts. Ses morts à elle, sa famille, mais au milieu de milliers. C'est un cimetière énorme, c'est le plus grand de la ville. Elle vit au milieu de milliers de morts. Et il y a, je crois que c'est 2 ou 3 000 personnes qui vivent là, dans ce cimetière. C'est une ville dans la ville, en fait. C'est légal ou c'est toléré, ce cimetière habité? C'est toléré. Non, c'est toléré. Mais le problème, c'est que la ville, il y a 12 millions de personnes qui vivent à Manille. Il y en a à peu près, c'est assez difficile à compter, il y en a à peu près la moitié qui vivent dans des bidonvilles. Donc, finalement, celui-ci est relativement sain. Ils ont l'électricité, ils ont l'eau courante, ils sont pas au milieu de la ville, donc ils ne dérangent pas les populations les plus aisées. Donc ils sont tolérés. Et puis, les familles qui ne veulent pas que leur mausolée soit occupée, mettre des cadenas. Voilà. Ouais. C'est aussi bête que ça. Alors, vivre sur la tombe de des ancêtres, c'est quelque chose que vous avez aussi trouvé dans une toute autre situation au Bénin, à Ganvier. Des maisons construites sur les tombes, le salon sur la pierre tombale. Et alors là, ce n'est pas du tout pour une question de place. Non, c'est vraiment pour c'est une question de respect, de lien avec les morts. Il y a comme un dialogue. Le père de famille qui m'avait accueilli au Bénin m'expliquait que que les deux grands-parents sont enterrés donc dans le sous-sol d'une espèce de salon, qui est le lieu où les hommes se retrouvent pour discuter des choses importantes. Et il me disait qu'il dialogue encore avec les anciens. Voilà. Alors là, les seules maisons en fait sur la terre ferme, ce sont ces maisons sur des tombeaux, puisqu'il s'agit d'une cité lacustre, d'une ville où toutes les autres maisons sont sur pilotis. Une ville donc entièrement sur un lac. Nous allons découvrir la ville de Ganvier au Bénin avec vous, Alexandra Alévèque, dans un instant. Le temps d'un bivouac lacustre sur France Inter. Cette ville représente tout ce qu'un homme peut espérer. Et si je devais finir mes jours ici, je trouverais que j'ai de la chance. Mais pour ne rien vous cacher, je ne suis pas prêt à finir où que ce soit. Le temps d'un bivouac sur France Inter. Après la ville cimetière, c'était Ghost Town, The Specials sur France Inter. Sur l'une de ses rives se trouve Ganvier. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi. Là, c'est le début de Ganvier, c'est les premières maisons. On se croirait dans le village d'Astérix, mais les pieds dans l'eau. Les habitants de Ganvier sont une ethnie à part, les Tofinous. Ça veut dire les hommes de l'eau. Je vais bientôt découvrir que ces irréductibles béninois ne font rien comme les autres. Un nouvel extrait de la deuxième saison de la série présentée par notre invitée Alexandra Alévèque, Drôle de ville pour une rencontre, diffusée sur France 5 tous les mercredis du mois d'août à 20h50. Nous venons donc d'arriver à Ganvier, au Bénin, une ville de 35 000 habitants qui vivent sur un lac. Qui vivent sur un lac comme... pour vous faire une description de pratique et courte, c'est Venise en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que on arrive sur ce lac et on avance un petit peu. Donc vous prenez une barque à Cotonou, qui est la capitale du Bénin, et vous avancez pendant une demi-heure en barque à moteur. Et tout à coup, il y a une petite maison sur pilotis, puis une deuxième, et puis il y en a une multitude. Et là, il y a 30 000 habitants qui vivent dans une ville dans laquelle il n'y a pas de rue, dans laquelle on ne marche quasiment pas. Tout est sur l'eau. Tout se fait sur l'eau. Avec un taux d'humidité important. Ah, hein, très important. 80%. Ouais. Les moustiques, on imagine, qui se font un plaisir, un régal des habitants. Vous avez été accueillis par qui là-bas? Parce qu'on a compris la règle du jeu. À chaque fois, vous dormez une quinzaine de jours sur place. Donc ouais, là, dans une famille, vous savez, comme les Corrès allemands que vous accueillez quand vous étiez au collège. Et ben, moi, je suis la Corrès française qui va à droite, à gauche. Donc là, à Ganvier, j'étais chez Paul et Madeleine, qui sont un couple de Tofino, de personnes qui habitent à Ganvier. Ils ont 17 enfants, Paul et Madeleine. Enfin, Paul les a fait avec 3 femmes, mais voilà, Madeleine est la principale, on va dire. Et ils ont accepté de m'accueillir chez eux au milieu de tous ces enfants. Alors, ils ont 2 maisons. Paul est pêcheur. Il a un peu de moyens par rapport à la moyenne des habitants de Ganvier qui vivent de manière assez chiche. Donc Paul, il a 2 maisons. Il y en a une qui est occupée par sa maman, Sossi. Et donc moi, j'avais une petite pièce dans la deuxième maison, près de Paul et Madeleine. Et on partageait la maison avec, je sais plus, 7-8 enfants. Et alors vous participez aux travaux de la famille. Et quand il faut aller chercher de l'eau, c'est un peu plus compliqué que juste ouvrir le robinet. Ça ouais. prend une heure et demie. Ça prend à peu près une heure et demie. Ouais, il y a 2 pompes d'eau potable dans le village. Et les gens partent avec leur pirogue, avec des grands barils de plastique, et ils vont chaque jour aller chercher l'eau potable, voilà, pour la même raison que nous, c'est-à-dire qu'il faut cuisiner, il faut se laver, il faut boire, voilà, chaque jour, c'est la corvée des enfants, donc chaque jour, le matin, il y a 2-3 enfants qui partent avec une ou deux pirogues, et qui vont remplir ces barils, et quand il y a une des 2 pompes de la ville qui ne fonctionne pas, on fait la queue 2, 3, 4 heures, pour pouvoir ramener de l'eau pour la famille. Cette ville a été créée il y a 300 ans. Ouais. Pour quelles raisons se sont-ils installés là, sur l'eau? On voit effectivement que tout n'est pas forcément facile de vivre sur ces maisons sur pilotis. Ouais, la ville, elle date d'à peu près de 1720. Elle a été créée par les populations qui fuyaient la traite négrière. Parce que au moment de la traite négrière, donc les Occidentaux venaient chercher les esclaves, mais souvent ils étaient fournis par des locaux. Sauf que une partie des Béninois qui vendaient les hommes aux négriers ne pouvaient pas, par croyance, toucher à l'eau. Et donc les personnes susceptibles de devenir des futurs esclaves sont allées se planquer le long des rives du lac Nokwe, et puis se sont installées dans des cabanes. Et puis ils ont fini par rester, et 3 siècles après, ils sont toujours là. C'est incroyable, cette histoire. Ouais, ce sont des résistants, en fait, hein, leurs ancêtres. C'est vraiment ça. D'ailleurs, Ganvier veut dire être sauvé dans la langue locale. Ils ont été sauvés par l'eau, alors ils leur doivent de rester là pour cette raison. Alors, comme ils sont sur l'eau, évidemment, ils pratiquent la pêche. Ils vous ont initié à la pêche. Alors, pour comprendre l'extrait qui va suivre, il faut comprendre ce que c'est qu'un kadja, l'akadja. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors l'akadja, c'est un système de pêche. En fait, c'est de l'élevage piscicole. C'est-à-dire qu'il crée des espèces de parcelles de lacs. Donc c'est comme des prés qui sont plus ou moins grands selon l'argent des propriétaires. Et il plante des feuilles de palmiers, pardon, dans l'eau. Le lac est très peu profond. Ouais. Moi, j'avais de l'eau jusqu'à la taille. Donc, il plante des branches de palmiers pour enfermer les poissons. Les poissons vont se reproduire à l'intérieur de ces énormes parcelles. Et ensuite, on va pêcher. Vient donc l'épreuve de la pêche. On vous a initié, bien que vous soyez une femme, vous avez autorisée à apprendre à pêcher. Habituellement, les femmes... Les femmes sont interdites de pêche, mais on a demandé l'autorisation au dieu vaudou de me faire participer à la pêche, et visiblement ils ont dit oui. Ils ont accordé ce droit, donc on va partager avec vous cette partie de pêche. Première étape. Ça bosse ? Laissez matin. Encercler la kadja avec ce filet de plusieurs centaines de mètres. Les poissons ne pourront pas s'échapper lorsque viendra l'étape 2, celle que je redoute. L'étau se resserre. Je sens que l'heure d'aller dans l'eau s'approche à grands pas. Et voici la seconde phase de l'opération. Mettre le boxon dans la cadja pour que les poissons se ruent dans les filets. Et pour faire fuir le poisson, rien de plus efficace, malheureusement pour moi, que de sauter à l'eau. On peut dire que vous avez joué le jeu, hein, Alexandra Lévesque, parce que le plongeon dans le lac, ça ressemble plus à un bizutage. Non, parce qu'eux, ils sont encore sur les pirogues, morts de rire, et ils vous voient plonger dans cette eau assez vaseuse, hein, il faut le dire. Ah, alors, très vaseuse, hein, disons-le franchement. Et puis en plus, comme le système de la cadja, c'est de mettre des branches de palmier dans l'eau, en fait, il y a plein de branchages au sol. J'avais peur de me blesser, et puis voilà. Et puis je suis une petite Française qui aime pas tellement mettre ses pieds dans la vase. Mais ceci dit, j'en ris aujourd'hui, mais je pense que ça restera un de mes meilleurs souvenirs de tournage. Ouais. Le fait que ces hommes m'aient accueilli et initié à cette pêche, moi, femme blanche, dans ce village dont on vient de dire qu'il est né de la fuite contre l'esclavage, c'était extrêmement émouvant. Ils étaient contents en plus de me montrer ça. Ouais. Alors le Bénin est l'un des 20 pays les plus pauvres du monde. Ça contraste sérieusement avec d'autres villes plus superficielles et dispendieuses que vous avez visitées. Je pense évidemment à Las Vegas. Pourquoi vous aviez envie d'aller aussi à Las Vegas ? Parce que, cher Daniel Fievé, j'avais envie de parler des habitants de Las Vegas. Ouais. Parce qu'on n'en parle absolument jamais. C'est-à-dire que des reportages ou des documentaires sur Las Vegas, il y en a eu des kilotonnes. On parle du strip, on parle des hôtels, on parle des stripteaseurs, etc. Mais derrière tout ça, s'il y a des stripteaseurs, s'il y a des croupiers, s'il y a des serveuses dans les bars, ça veut dire que ces gens peut-être vivent en couple, ça veut dire qu'ils font des enfants, ça veut dire qu'il y a des écoles, ça veut dire qu'il y a des hôpitaux. Donc derrière le strip, derrière les façades, il y a tout un tas de gens qui vivent. Et tout le monde s'en fout. Mais ces gens vivent au milieu du désert, eux aussi. C'est une ville incroyable, quand même. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était d'aller juste derrière les façades des hôtels. C'est pas difficile, hein. Le strip, ça fait 5 km de long. Donc au-delà de cette avenue qui est une aberration totale, ben, il y a des vrais gens, et c'est chez eux que j'avais envie d'aller. Il y a des vrais gens, et il y a cette phrase assez terrible que vous dit une femme qui tient une salle de machine à sous. Las Vegas ne s'est pas construite sur les gagnants. C'est horrible. On me l'a répété plusieurs fois, cette phrase, mais c'est le, je sais pas comment dire, c'est la vérité. En fait, on imagine, quand on reste vraiment longtemps là-bas, on imagine les squelettes des perdants. Sous le bitume. Et vous ne croyez pas si bien dire, parce que vous allez découvrir que cette phrase correspond à une réalité très concrète, bien moins joyeuse, hein, que toutes ces lumières de Las Vegas. Dans les égouts de la ville, vous allez faire une rencontre étonnante. Alex. Hi. Hi. Yeah. Can have a seat. Je peux m'asseoir ici. Tommy vivait à Hawaï. Il est venu en vacances avec sa femme il y a 4 ans. Avec le rêve de faire fortune. Ils n'ont jamais pu rentrer chez eux. À peine sorti de l'avion, j'ai commencé à jouer. Au début, ça allait. J'avais de l'argent. Je suis arrivé avec 80 000 dollars. Et puis j'ai tout perdu. 80 000 dollars en un an. Je suis fauché et j'ai faim. Hier, j'ai encore piqué les 5 dollars que m'avait donné ma femme pour aller laver le linge. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai joués. Le jeu est un vrai poison, non? Ah ouais. Le pire, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Tout ça n'arrive pas par accident. Les odeurs, les sons, les lumières... Tu veux aller voir ça, et tu veux y retourner. C'est comme un mirage. Tout est fait pour te prendre tout ton argent. Vive Las Vegas. Alexandra Alévèque, c'est incroyable, on a presque l'impression d'un film. Cet homme qui est dans les égouts de Las Vegas avec sa femme depuis 5 ans, parce qu'il n'a pas pu rentrer de ses vacances à Las Vegas. Et puis on comprend quand on l'écoute qu'en fait il est encore attiré par le jeu, qu'il pense encore qu'il va se refaire puisqu'il va jouer les 5 dollars qu'on lui a donnés. Oui, du labomatique, ouais. C'est une vraie drogue, hein, cette ville pour certains, au point de les détruire totalement. Ouais, bien sûr, mais le jeu est une addiction, donc une maladie, comme l'alcoolisme, comme les problèmes liés à la drogue. C'est exactement la même chose, en fait. Et on est allé dans une clinique, on n'a pas gardé la séquence, mais on est allé dans une clinique qui aide les gens à lutter contre cette addiction. Et en fait, cette addiction, elle touche des gens qui habitent à l'extérieur de Vegas, partout dans le monde, mais elle touche aussi les habitants, et c'est bien ça le problème. Et ce monsieur me racontait, par exemple, que quand il doit faire des courses, Parfois, il fait attention de pas aller dans un supermarché dans lequel il y a des machines à sous, parce qu'il y en a vraiment partout. Il y en a aussi dans les stations-service. Enfin, tout est fait pour faire entrer un maximum d'argent dans les caisses de cette industrie du jeu, mais parce que la ville tient là-dessus. C'est les piliers de cette ville. Hein. Nous allons voir dans la suite de cette émission que l'avenir de Las Vegas n'est peut-être pas si radieux, que la ville pourrait être victime d'une grave pénurie d'eau. Et puis nous irons aussi au Danemark, dans une ville où il fait particulièrement bon vivre. Every thought that I ignore, now the questions at my door. It's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before. Felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Where the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? C'était Begin Again de Norah Jones sur France Inter. Oh, je voulais te montrer un truc. C'est le barrage Hoover. Hoover Dam. Hoover Dam. À l'époque de sa construction, c'était le plus grand barrage du monde. Viens, on va aller jeter un œil. Mais c'est immense. Ouais, c'est monstrueux. Et alors, qui était là en premier, le barrage ou Las Vegas? Oh, le barrage, c'est certain. Dès sa construction, Las Vegas est devenue Las Vegas. Les ouvriers n'avaient rien à faire après leur travail. Et ça a continué après sa mise en service. Et c'est comme ça que la ville est devenue une ville de vacances. Oh, yeah! Tiens, viens voir de l'autre côté. C'est ça que je voulais te montrer. Tu vois la ligne blanche? C'est là où était le niveau d'eau avant. Tu vois comme ça a baissé? Le phénomène a commencé il y a 30 ans. Seulement 30 ans? Alexandra Lévesque, vous vous en êtes aperçue lors de votre tournage à Las Vegas. La pénurie d'eau guette, mais c'est pas pour dans 10 ans, hein. C'est peut-être pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Ils ont instauré une police de l'eau pour surveiller les dépenses en eau des différentes familles. Oui, ils ont mis ça en place depuis, c'est la municipalité hein, qui a mis ça en place. Ils essayent de limiter les dépenses en eau, alors fuite de piscine ou arrosage un peu intempestif. Et puis ils demandent aussi aux gens, en fait, d'enlever le gazon, vous savez, devant les maisons américaines, il y a toujours du gazon très vert, etc. Donc d'enlever le gazon qui demandera à être arrosé, évidemment, pour planter des plantes grasses, des plantes désertiques. Au milieu du désert, ce serait quand même idiot de pas le faire. Pour justement que la consommation d'eau baisse, parce que, comme on l'a entendu dans l'extrait, il y a un très grand barrage près de Las Vegas, à la frontière avec l'Arizona, qui alimente en eau et en énergie, en électricité, trois États. Dont Las Vegas, mais dont aussi la Californie. Et en fait, le niveau d'eau qui alimente ce barrage baisse inexorablement. Mais j'ai vu la différence entre le niveau eau, le niveau de départ et le niveau aujourd'hui. Il a baissé de 40 mètres. 40 mètres, c'est un immeuble de 8 étages quasiment. Donc effectivement, d'ici, on dit, alors 2020-2021, il faudra mettre en place l'état d'urgence parce que bientôt, il n'y aura plus d'eau. On a l'impression que Las Vegas est une ville qui caricature nos excès, nos débordements d'occidentaux. C'est à peine caricatural, mais c'est un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire dispendieux, assez superficiel, on dépense sans compter, on fonce dans le mur en klaxonnant joyeusement. On a l'impression qu'en fait, ça nous tend un miroir à peine déformant. Oui, c'est le cas parce que on a l'impression quand on va là-bas que c'est les États-Unis puissance 10. Mais comme vous le dites, c'est pas les États-Unis puissance 10, c'est le monde occidental, c'est le monde moderne puissance 10. C'est-à-dire que ils ont dépensé sans compter l'eau, l'énergie, et aujourd'hui ils se disent mais zut, en fait si on n'arrête pas maintenant, notre jour on va le casser. Parce que s'il n'y a plus d'eau à Las Vegas, il n'y a plus de fontaines, il n'y a plus de piscines, il n'y a plus de touristes. Ouais. Alors ce sont souvent ces questionnements, hein. Par exemple Manille, vous vous êtes aussi intéressé à la gestion des déchets, en vous disant cette ville va mourir sous tous les déchets, qu'elle génère. Là on a les problèmes d'eau, mais pour finir sur une note peut-être à un peu moins inquiétante, le bonheur en ville existe aussi. En tout cas, à en croire votre reportage au Danemark, vous avez vécu 15 jours dans une ville où il fait particulièrement bon vivre. Comment s'appelle-t-elle, cette ville ? Aarhus, avec deux A. Ah ouais. Pourquoi est-elle si belle ? Alors, c'est ce que j'ai essayé de comprendre pendant 2 semaines, parce que, en tant que Française, en plus, on est quand même un peu les rois des râleurs, même si on aurait un peu tout pour être heureux. C'est ce que j'ai essayé de comprendre pendant ces 2 semaines. Bah, déjà, elle est située au Danemark, cette ville. C'est la deuxième ville du Danemark, c'est une ville de 300 000 habitants. Le Danemark, il y a un classement qui est fait par l'ONU depuis 7 ou 8 ans, qui classe les pays, alors selon tout un tas de critères, du plus heureux au moins heureux. Et le Danemark arrive en tête de liste, en tout cas dans le tiercé gagnant, depuis le début. Et Aarhus est dite la ville la plus souriante de ce pays le plus heureux du monde. Donc, plein de petites choses. D'abord, c'est une ville qui est située entre campagne et mer. C'est comme s'il y avait une ville équivalente à Rennes au milieu de Belle-Île-en-Mer. C'est le paradis sur Terre. Hein. Ça ressemble vraiment au paradis. Et puis, il y a une espèce de bienveillance de la part des gens, mais... Ça, c'est le côté scandinave, c'est-à-dire que ce sont des gens qui voient le verre à moitié plein, Alors que nous, Français, je crois qu'on peut dire qu'on le voit à moitié vide. Et puis, il y a plein de petites choses assez surprenantes, ne serait-ce que l'école. Vous qui aimez bien aller visiter les écoles des villes que vous traversez, on commence la journée en chantant et puis en prenant le pouls de la classe. C'est-à-dire que chaque élève dit un peu dans quelle humeur il se sent. Dito, la mère de famille chez qui je logeais est institutrice dans cette école. Et alors, c'est pas tous les matins, je crois qu'elle le fait deux fois par semaine. Il y a une espèce de baromètre de l'humeur. Donc, ça va de 0 à 10 et elle demande à tous les élèves de la classe, donc ils étaient une vingtaine, comment ils vont. Alors, mon petit Daniel, ce matin, comment tu te sens? Donc, les gosses se donnent une note entre 0 et 10. Et s'ils vont pas bien, ils vont expliquer devant tous leurs camarades de classe. Vous imaginez un peu la dureté des enfants, parfois, les uns envers les autres. Et ben là, ils osent dire, mais je me sens pas bien parce que je me suis fait disputer, que sais-je. Enfin, il y a une espèce de bienveillance et d'empathie qui est mise en place dès l'enfance. Alors, il y a une bienveillance, il y a aussi une confiance qui est mise en place dès l'enfance. C'est-à-dire qu'on voit une crèche sans barrière. Les enfants peuvent Aller librement. Aller librement. On leur fait confiance. On fait aussi confiance. Les mamans, alors, vous êtes avec une maman, avec un enfant qui fait une sieste dans sa poussette. Vous allez prendre un verre. La poussette, avec l'enfant qui dort dedans, est laissée sur le trottoir. Bon, en vue, avec une totale confiance. Pas en vue, parce qu'elle était même pas sur le trottoir devant le resto. Elle était sur le trottoir d'en face à l'ombre, derrière une voiture. Oui. Jamais, jamais une mère de famille demandait à toutes vos copines ou je ne sais quoi, demandait si une mère de famille laisserait un bébé dans un landau même un en père France de famille, sur le hein, trottoir. Alors, j'étais avec deux femmes. Mais bien sûr, le réalisateur avec qui je suis a deux enfants. On était dingues tous les deux. On ne voit pas ça chez nous. Une dernière chose aussi, un test assez emblématique. Vous faites un test, vous perdez votre porte-monnaie et puis vous regardez comment les gens réagissent. Personne ne vous le pique. Ben non, il me court après pour me le rendre. Et je ne l'ai pas perdu une fois. On a fait ça maintes fois. Et c'était assez drôle. Et tout le monde, les gens sont... Voilà, il y a une honnêteté, une bienveillance chez ces gens à Russes qui forcent le respect, franchement. Ouais. Le seul qui pique le porte-monnaie, c'est un touriste. Ben ouais, c'est deux touristes, c'était deux garçons. Ils venaient d'Amérique du Sud, je crois. À découvrir sur France 5 tous les mercredis du mois d'août à 20h50, la série Drôle de ville pour une rencontre. Le 7 août, ce sera l'épisode à Manille, cette ville la plus densément peuplée du monde. Et puis je signale aussi que votre premier roman, Alexandra à l'évêque, paraîtra le 21 août prochain, Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent, aux éditions Sable Polaire. Merci à vous, Alexandra, d'être passée. Dans un instant, notre train de savate planétaire, Pierre Josse, nous emmènera dans le désert de Mauritanie. On s'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout. Voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadouent, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'anges, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, mais pour l'amour qui part, les amoureux hagards s'en remettent au vaudou. S'habitue à tout, à notre Eldorado, aux poumons remplis d'eau, aux urnes remplies de boue, au 21 avril, au réveil difficile et à celui des loups. On s'habitue à tout, au bruit de pas du dessus, à vivre un peu déçu, à vivre de peu de sous, à faire un peu l'autruche, sans remettre les bûches qui font battre le pouls. On s'habitue, c'est tout, à faire sa petite danse javanaise de l'absence. Et j'en bave pas vous, mais on s'habitue à tout, on s'habitue à tout. Mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même. Ce baston de mots doux, on s'habitue à tout. Pour l'amour qui part, les amoureux agarrent, s'en remettre au vaudou. S'en remettre au vaudou. On s'habitue à tout sur France Inter de Renan Luce dans le temps d'un bivouac. La programmation musicale est signée Djoubaka. Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion, toujours les valises. Sur France Inter. Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai, un baiser de Russie, un banco à Bangkok. Le temps d'un bivouac. Mais je vous dis qu'il nous aura tout fait, tout. Et c'est le moment de retrouver le rédacteur en chef du Guide du Routard. Bonjour Pierre Josse. Bonjour Daniel. Vous nous emmenez où aujourd'hui ? Eh ben, je vous emmène dans le désert mauritanien et plus précisément dans l'Adrar. Ouais. Alors bon, je vous ai évité les déserts traditionnels, le Akatama, le Wadi Rum, le Kalahari, le Thar, le Death Valley, le Outback. Le outback australien, non. Là, c'est vraiment un désert qu'on redécouvre d'ailleurs avec beaucoup de plaisir au bout de 10 ans de disette, parce que à cause du terrorisme islamique, tout le pays a été interdit au tourisme. Et là, il a retrouvé sa convivialité, sa joie de vivre, etc. Et on peut respirer à nouveau et entendre chanter tous les accents des amoureux des dunes, des trains du désert et des beaux livres. Ah, des trains du désert étranges. Alors, où est-ce qu'ils nous emmènent, ces trains, exactement ? Eh ben, il s'agit du célèbre train qui relie Nouadhibou, au nord du pays, à Zouerat. On l'appelle le train du fer, parce que c'est lui qui transporte le minerai des mines de Zouerat. Alors, c'est le plus long du monde. Alors déjà, c'est avec... devinez combien il mesure ? Je sais pas... 300 mètres ? Ouais. Non, 2 kilomètres. Il y a 6 locomotives, il y a 200 wagons, il pèse 24 000 tonnes. Et il prend quelques passagers payants, mais c'est l'aventure vraiment rustique. Et pour les autres, c'est gratuit. Alors profitez-en, chers auditeurs. Mais dans les wagons-bennes, vides à l'aller, c'est une chaleur infernale. C'est de vrais fours. Et au retour, on voyage sur le toit des wagons, assis sur le minerai. Et là, c'est pire, on est cramé par le soleil, silicosé à l'arrivée avec le vent qui rabat la poussière de fer. Preuve qu'aujourd'hui, cher Daniel, l'aventure est toujours possible. Alors certes, les superbes paysages du désert et les transports rustiques, mais pourquoi les beaux livres alors ? Bah, tout simplement parce que le désert mauritanien possède 3 villes historiques et mythiques qui étaient les villes étapes sur la route des caravanes transsahariennes de Tombouctou au Maroc. D'abord, Chinguetti, qui disparaît d'ailleurs sous le sable et qui possède les plus célèbres bibliothèques du désert. À savoir, comme c'était la 7e ville sainte de l'islam, et il y avait de nombreuses universités, pensez, 75 000 habitants au 15e siècle, aujourd'hui 4 000. Et comme Tombouctou, évidemment, grâce à ces universités, il y avait des grandes bibliothèques et une douzaine de familles aujourd'hui en possède, mais on peut en visiter que quelques-unes. Et alors, quel est donc le principal intérêt de ces bibliothèques ? Tout simplement, livres et manuscrits qui datent à partir du XIe siècle pour les plus anciens. Et là, de nobles vieillards lettrés vous recevront dans des pièces poussiéreuses et ensablées et vous montreront de très rares incunables, de vénérables livres de médecine, d'astronomie ou des atlas des temps les plus reculés, tenez-vous bien, écrits à la plume d'autruche sur des peaux de gazelle. Et là aussi, de magnifiques ouvrages de poésie enluminés, façon livre d'heures du duc de Berry. Admiration et émotion garantie. Ah oui, on le sent à votre voix. D'autres villes célèbres pour leur bibliothèque ? Eh ben, je vais vous dire Tichit. Ah oui. C'est l'oasis la plus isolée du désert, à 2 jours en 4x4 de Chinguetti. Là encore, l'émotion monte d'un cran. Déjà, on a traversé des paysages hallucinants. d'immenses lacs de bakélite noir où, gré du vent, des langues de sable orange vif, qu'on appelle des barkanes, dessinent de voluptueuses arabesques. Puis, des champs néolithiques où traînent sur le sol des milliers de mortiers, meules, pilons, haches polies. Puis, des canyons, des paysages écorchés, des dépressions sablonneuses. Et enfin, apparaît Tichit, victime récurrente d'orages meurtriers et qui aujourd'hui se meurt. Fantomatique aussi, avec ses palmiers blanchis par le sable et ses demeures de pierre écroulées. Et c'est là que j'ai vécu l'un des plus grands moments de mon existence, en rencontrant Dad Ould Ida, grand lettré et philosophe de 90 ans, et on me dit qu'il a plus, mais il est très coquet, il paraît. Sa bibliothèque fut ravagée par une tornade, les livres noyés et dispersés dans l'eau. Pourtant, aveugle, il tentait depuis des années de reconstituer sa bibliothèque avec l'aide des étudiants qui lisaient une par une les pages sauvées. Ainsi, il leur indiquait à quel ouvrage ces pages appartenaient et j'eus ainsi, entre les mains, un traité de médecine reconstitué écrit par un disciple d'Avicenne, le plus grand médecin arabe du XIe siècle. Mes mains en tremblaient. L'émotion m'envahissait d'être confronté ainsi à la grande civilisation arabe encore si vivante dans ce morceau perdu des déserts. Et si vous me le permettez, Daniel, au diable bilan carbone, la Mauritanie, c'est seulement à 4 heures de vol de Pentruche. Et là, je voudrais rendre hommage à Maurice Freund, le pionnier du tourisme social, qui permit jadis à des milliers de jeunes, avec le Point de Mulhouse, de découvrir le Burkina Faso. Et aujourd'hui, grâce à Point Afrique, on va directement de Paris à Attar pour découvrir l'Adrar et ce merveilleux désert mauritanien. C'est pas le tout, j'y retourne tout de suite. Vous avez l'air très très convaincu et très très motivé. Merci Pierre Josse. On a une trentaine de secondes pour que vous conseillez à notre invité Alexandra Alévèque une ville, parce qu'il y en aura peut-être d'autres des émissions dans ces villes. J'espère, une ville, n'importe où dans le alors, monde. Alors, l'oasis de Siwa dans le désert égyptien, ouais. Où Alexandre, le grand Alexandre fit halte, et surtout Gardaïa, qui est une oasis à 800 kilomètres au sud d'Alger, une architecture que tous les architectes du monde est venu étudier tellement elle est intelligente, elle correspond à la géographie, au climat, et puis surtout on y trouve les Mozabites, une culture originale, pittoresque, intéressante, complètement décalée et qu'il faut absolument découvrir. Vous êtes convaincu, Alexandra Lévesque, vous repartez avec un conseil. Merci Pierre Josse, je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique vagabonde, d'une coédition Hachette Le Routard. À mardi prochain Pierre. À bientôt. Dans chaque départ, il y a un retour. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans chaque retour, il y a un départ aussi. Demain, nous nous intéresserons au fabuleux trésor de Toutankhamon et à ce que l'on sait de l'histoire de ce pharaon. Et à 17h, nous irons sur les traces de celle que l'on surnommait la Dame de la Mer, Anita Conti. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et après le journal, vous avez rendez-vous avec Anna Sigalevitch pour un nouveau mag de l'été. Bonjour Anna. Bonjour Daniel Fivet. Alors dans quel univers vous allez nous emmener aujourd'hui? Alors on va essayer de voyager nous aussi dans le mag de l'été avec un acteur. Ce sera du théâtre au programme du Mac de l'été, un acteur qui a une façon tout à fait unique d'être en scène, qui arrive à créer l'événement dès qu'il met un pied sur le plateau. Et on ne dit pas son nom parce que le jeu c'est de le découvrir. Absolument. En début d'émission. D'entendre juste sa voix. Voilà, alors on ne va pas tuer le suspense. À tout de suite Anna. Merci.